Fête monacale, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fête monacale, à coups de cloche, à coups de trompe et de bourdon, au rouge déploiement des bannières claquantes, la crosse droite en main, comme on tient l'espadon, front nu, torse en hauteur, allure attaquante. Les chevaux rythmant clair de leurs sabots d'acier, quelques tintamarantes entrées au cœur des villes, les moines féodaux, bardés d'orgueil princier, s'étalent tout en or dans les fêtes civiles. Le peuple qui les voit surgir dans la cité, avec des cris de foule en feu, les accompagne. Sur les remparts, un arc triomphal est planté, par où, sous le grand cintre encadrant la campagne, plus solennel encore, semble entrer le soleil. L'encens éploie au loin ses bleuâtres spirales. 20 grands abbés, la mitre au front, le doigt vermeil, règnent monumentaux comme des cathédrales. Le drapeau monacal se reflète à l'écart, pesant d'orgueil sacré dans des lambris de marbre. 20 héros, plastronnés de soie et de brocart, sont fixés tout debout, chacun au pied d'un arbre, dont feuille à feuille, on a doré le dôme entier. Et le soleil chrétien voit ses luxes rebelles, trônés dans la splendeur d'un vallon forestier, et sous le va-et-vient des papales flabelles. Un repas colossal souffle, fourneau béant, éructant vers l'azur sa flamme et sa fumée, par les gueules de fer des soupiraux géants. Une odeur de mangeaille et de chair allumée, et de sauce fleurant les gras parfums huileux, plaque au palais et fait suinter d'aise les bouches. Les sièges, les divans et les coussins moelleux cerclent la table encore vide, comme des couches. L'air est coupé de longs effluves altérants. Sur les velins tendus le vent glisse des moires. Des corbeilles de fruits bombent leur ton safran, sur des plaintes de chêne et sur des bords d'armoire. Et les échansons vifs passent, le bras orni, de la sveltesse en col de cygne des aiguières. Dans l'attente et l'odeur du repas attourni, les abbés, écoutant les vœux et les prières, que leur fait à genoux l'orgueil de leurs vassaux, s'imprègnent de l'encens des lourdes flatteries. La fête se prolonge au loin sous des arceaux de guirlandes d'argent et de piques fleuries. Le long des chemins verts, près des gueules des fous, des soldats, cuirassés d'acier et de lumière, campés sur leurs chevaux au coin des carrefours, pointent leurs casques bleus sous un vol de bannières. Le soleil estival mord le fond d'un torrent, allume les rochers et fait craquer les chaînes. Dans les hameaux, tout un peuple tintamarant se prépare brutal aux kermesses prochaines, où son rue roulera comme un fleuve au travers, et des étalons roux, la prunelle élargie, le ventre frémissant et les naseaux ouverts, tendent leurs coups gonflés du côté de l'orgie. Enfin, la table est prête, et dresse ses couverts. Les 20 abbés, la croix d'argent sur leur poitrine, sous les arbres dorés au feuillage roussi, humant les lourds pâtés, les lards et les terrines, flanqués chacun d'un haut vassal, se sont assis. On sert des paons, la queue épanouie en lyre, des porcs, les flancs mordus de tridents ciselés, des cuisseaux roux dont les odeurs d'ambre et de myrrhe fument d'entre les dents de grands bols crénelés. Aussi, le grand gibier des cuisines royales, les sangliers, dont la hure, dans le festin, haineusement grimace et courbe ses crocs pâles, les aloyaux et les rognons de bouquetin, les filets raffinés, les volailles farcies, les daims sanglants, tués la nuit aux alentours, les faisant adorner de grappes cramoisies et la chair des chevreuils avec des langues d'ours. À gauche, au coin d'un lourd massif, entouré d'ormes, sur les tréteaux vêtus de velours damassé, on mime avec des cris et des clameurs énormes. Jérusalem, conquise et l'assaut des croisés, le glaive au vent sur la douve monumentale. D'abord s'avance au pas le héros Godefroy, levant sur l'Orient la croix occidentale. Le duc de Normandie en vêtements d'or froid, Pierre l'ermite, assis sur sa mule âpre et raide. Beaumont, Ademar, Hugues de Vermandois, Robert de Flandre est là, fier entre tous, Tancrède. La gloire est magnifique à ces faiseurs d'exploits. On lutte à corps serré, pied à pied, et les casques, les haumes, les armées sonnent clairs sous les coups. Les glaives vont tournant en sanglantes bourrasques. On s'agrippe, chrétien dessus, mort dessous, roule noueusement dans le flux des mêlées. Des cimetières bleus luisent, éclairs de deuil, heurtant d'un choc d'acier les masses dentelées. Et les pennons, tenus debout comme un orgueil, les cœurs sont furieux, les têtes allumées. On entend le grand cri « Notre-Dame et Noël !» Et cet emmêlement des deux larges armées fait croire un long instant que le heurt est réel. Les Turcs creusent les rangs de sanglantes ornières. Les chrétiens vers le ciel, d'un regard plus fervent, s'exaltent. On ne sait laquelle des bannières triomphales et levée ira claquante au vent. Quel symbole mourra de mort rouge? Quel monde tiendra sous sa lourdeur l'autre monde écrasé? Quand par-dessus les flots de la tuerie immonde, vêtu d'un long manteau d'argent, fleur de lysée, surgit, debout, l'archange, avec sa cour de gloire, avec ses cheveux fiers, avec son pied dompteur, avec ses doigts dorés, d'où tombent les victoires. Et l'Asie est conquise au Christ inspirateur. À droite, un lent cortège altier de filles belles, vierges superbement, les cheveux en camail, sur l'épaule, le corps orné de brocatelles, la ceinture bouclée avec fermoir d'émail, lente et sur un pas de rythme ancien, procède. Elles ne font qu'aller, que venir, que passer. L'horizontal soleil, tout en splendeur, obsède de ses glissants rayons leur front, et vient baiser les bijoux solennels qui pavoisent leurs tempes, et leur col frais et nu jusqu'au vallon des seins. Les premières s'en vont en rang, levant les hampes de l'oriflamme et des drapeaux diocésains, le front caché suivant le vol des broderies, les doigts cerclés d'argent et les poignets d'airain. D'autres viennent, tenant de sveltes armoiries, des tortils monaco et blancs, où le burin tailla sur fond d'azur des mitres crenellées. D'autres, devant leurs pas égaux, sèment des fleurs. D'autres, les pieds battus de traînes déferlées, les yeux auréolés de prières et de pleurs, passent, symbolisant les lentes litanies, avec des cartels d'or et des emblèmes bleus. Et tel, ce défilé, coulant ses symphonies et sa mobilité de couleurs et de feux, parmi le déploiement des rues et des ripailles, attire l'œil des grands moines enluminés, qui par-dessus les plats des lourdes victuailles penchent leurs faces énormes et leurs sens tisonnés. Aux coupes, aux hanapes, les échansons encore versent les vins de France et les cidres normands. Ils flambent des parfums aux éclairs de phosphore dans les ventres ouverts des cratères fumants. Les vents passent, tordant leur feu en chevelure, et s'imprègnent d'encens et l'épandent au loin, et le roulent parmi les flux des moissons mûres, et la marée en fleurs de l'avoine et du foin, tandis qu'arrive, rouge, à travers champs, la houle, des vacarmes touffus et des débordements, et des grosses clameurs et des rues de la foule. On devine, là-bas, dans les hameaux fumants, de liesse à pleins instincts et de joie à plein ventre, serve et serre, pâteau et pataude, tous sous, les gars luttant entre eux comme les loups des antres, et les femmes hurlant autour, les regards fous. Enfin, le long repas fini, et les lumières, dans les massifs géants, larment l'obscurité. L'ombre descend des monts aux heures coutumières. Le ciel s'étend immense, ainsi qu'un drap lacté, sur les étangs rêveurs et les plaines songeuses. Mais bien qu'il fasse soir, les bruits croissent toujours et montent plus grouillants des plèbes tabageuses et roulent plus tonnants vers les échos des bourgs, jusqu'à ce que minuit tombe sur les villages et que les moines, là, mis en joie et repus, quittent la fête ardente encore. Leurs attelages sont amenés, timons ornés, chevaux trapus. On les y voit monter, la face au vin rougi, et s'en aller par les routes à travers bois, faisant, de loin en loin, sur la foule et l'orgie, avec leurs mains en or, de lents signes de croix. Fin de Fête monocale, enregistrée par Margot.